Bonjour à toutes et à tous. Arlise Cornucci et moi-même vous souhaitons la bienvenue à cette journée d'études des dissonances du commerce. Nous rappellerons que cette journée est organisée par le laboratoire d'un terroir respectif, le GAP, donc le groupe d'analyse politique, et le SOFIAPOL, laboratoire de sociologie, philosophie et anthropologie politique. Nous remercions tout d'abord les intervenantes et intervenants, discutants et présidents de séance, d'avoir accepté de participer à cette journée dont le programme s'annonce très riche. Donc cette journée propose d'élucider une doctrine considérée comme constitutive de la pensée libérale, celle du tout commerce. Elle se penchera donc sur cette doctrine telle qu'elle fut élaborée par Montesquieu, mais également et même surtout sur son destin, c'est-à-dire sur les diverses transformations dont elle a fait l'objet depuis son élaboration dans l'œuvre de Montesquieu de l'Esprit des Lois. Rappelons tout d'abord la formulation de cette doctrine chez Montesquieu, extrait du livre 20. C'est presque une règle générale que partout où il y a des mœurs douces, il y a du commerce. Et que partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces. Quel sera l'objectif de cette journée ? Nous sommes partis du constat que la doctrine du commerce fonctionnait, notamment à notre époque, et notamment au sein des discours politiques, comme un lieu commun, comme un topos. Cette doctrine du doux commerce peut être prônée ou sévèrement critiquée, mais dans les deux cas, elle reste souvent non explicitée et son contenu sémantique paraît ainsi comme allant de soi. Alors on prendra, à titre d'exemple significatif, la déclaration de Madame Christine Lagarde, ancienne ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sur les relations économiques entre la France et Israël à Paris, discours prononcé le 7 mars 2011. Je la cite. Nous, Français, nous savons depuis Montesquieu que le doux commerce apaise les mœurs, que son effet naturel est d'apporter la paix. En cette période bouleversée partout autour de la Méditerranée, je me félicite que, par la voie économique, la Fondation France-Israël entend créer du lien entre les peuples de France et d'Israël. Alors la référence à Montesquieu ici fonctionne d'abord comme argument d'autorité, et le commerce, présenté par définition comme doux, semble par là même devoir avoir pour effet naturel d'apporter la paix. Alors, un travail sur le sens de cette doctrine s'impose cependant, avant tout, parce qu'elle fonctionne comme topos chez les philosophes et théoriciens qui réinvestissent cette doctrine initiale, cette doctrine de Montesquieu. Et ce sont en fait eux qui auraient, selon nous, le plus contribué à façonner ce lieu commun, même si, bien entendu, il y a loin du slogan à la subtilité de leur conceptualisation théorique. Albert Richman, à qui il revient d'avoir identifié cette doctrine dans les passions et les intérêts, insiste sur le fait que cette dernière fait partie, même pour les grands auteurs du XVIIIe, de la dimension sous-entendue. Là, il reprend ici une expression de Pauliani, et il entend par là un ensemble de conclusions et d'opinions qui sont reçues au sein d'un groupe donné et qui lui paraissent à tel point aller de soi qu'elles ne sont jamais exprimées de façon complète ou systématique. C'est pour cette raison que, selon lui, le sens initial de cette doctrine fut évacué, évincé, dès la reprise donc, de cette doctrine par Adam Smith. Dans cet ouvrage, Hirschman emploie l'expression « doux commerce », pour le rappeler, pour désigner les arguments présentés en faveur du libre essor des activités lucratives privées. Et donc, il s'attache à présenter une archéologie de la formation de l'idéologie capitaliste ou de l'apologie de la société marchande. Une telle entreprise permettait en effet à Hirschman de, je le cite, « lever un coin du voile » qui enveloppe toujours les origines idéologiques du capitalisme, et donc de la révéler ainsi comme idéologie. Alors, dans la continuité de cette entreprise théorique hirschmanienne, il s'agira aujourd'hui de laisser un temps en suspens la question de la validité d'une telle doctrine, c'est-à-dire se demander peut-on encore dire aujourd'hui que le commerce adoucit les mœurs. Donc il s'agira de laisser de côté cette question pour s'intéresser au destin de cette doctrine. Comme l'indique lui-même Hirschman, certaines critiques actuelles du capitalisme montrent avec quelle efficacité le sens initial de cette doctrine formulée par Montesquieu a été effacé de la conscience collective. Ainsi, s'intéresser au destin de cette doctrine, et donc à ses versions revues et dissonantes, permettra de déceler, par exemple, les raccourcis produits par les auteurs qui ont réinvesti cette doctrine ou qui l'ont décriée, et de se demander ce que ces raccourcis révèlent notamment sur les présupposés implicites de la pensée de ces derniers. Mais surtout, on s'attachera à révéler l'aspect idéologique de cette doctrine telle qu'elle a pu être réinvestie. Pour entamer cette analyse sémantique que l'on propose aujourd'hui de cette doctrine chez Montesquieu et chez les auteurs qui réinvestissent cette doctrine, penchons-nous d'abord sur l'expression même de « doux commerce ».